studio de la Radio Campus de Trois-Rivières. Écoutons-la donc, la chanson. Bon matin et bienvenue à Écoutons-la dans la chanson, émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Je m'appelle Mathieu Plante et surprise, non, ce n'est pas encore CNX cette semaine. CNX, l'émission la plus geek de la radio, vous vous rappelez peut-être. C'est loin dans votre passé, mais bref. Mais ne vous plaignez pas, non, parce que vous allez avoir de la bonne musique ce matin. Très, très bon. Du palmarès, des musiques que j'aime, ce qui me passe par la tête, c'est ce que je fais à Écoutons-la dans la chanson et j'aime ça, faire ça une fois de temps en temps, donc on se gâte. Dans le premier bloc de ELDL apostrophe C, hein, on va avoir The Bird and the Bee qui est sur le palmarès en ce moment. Il va y avoir Metagruo, un classique de nos palmarès, mais on commence avec une pièce du palmarès francophone de ces fous. Voici Éléphantine et Libérer le génie. Écoutons-la donc, la chanson. time you spent away from me. All of the missed opportunity. Avec Diamond Dave de l'album Ray Guns Are Not Just the Future. Écoutons-la dans la chanson sur les ondes de Cifou 89.1 FM. The Bird and the Bee, un groupe californien qui est très très bon. C'est sur le palmarès anglophone de Cifou. Alors, ça, c'était Métagruau et leur pièce Tibia Sauvignon. C'est la pièce de leur maxi, donc Tibia Sauvignon aussi. Groupe de Montréal. Allez voir myspace.com/Métagruau. J'aime beaucoup ça. Ils vont être en spectacle le 28 mars à 21h à Montréal, à l'ESCO, avec Golden Collider et Velvet Chrome. Et on a débuté avec Elephantine, groupe montréalais aussi, qui va lancer le mini-album de Erewhon, qui est une autre formation. Ça, c'est à Montréal, c'est le 4 avril. Ils vont être aussi au Cercle. Et ça, c'est le 16 mai, comme un peu loin. Allez voir elephantine.ca pour en savoir plus. Vous êtes donc à Écoutons-la dans la chanson, une émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Mathieu Plante, animateur de CNX, qui est dans cette case horaire habituellement. Il y a aussi le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou. Et là, ben, je passe la musique qui me passe par la tête. Tantôt, on va entendre du Parler, qui est sur le palmarès. On va entendre un classique de 4D. Les morts vivants sifflent et ne sont pas vivants. Mais on débute avec une pièce qui va entrer dans le palmarès de C'est Fou cette semaine. Là, si vous écoutez le jeudi, ça va être demain soir dans la nouvelle édition des palmarès. Voici Malajube et Colombol. Écoutons la don, la chanson. Je sais qu'un jour désert, une vallée brouillée, les morts vivants perdent des bras et le sens à siffler, ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles, pleine de verre et de nourriture souillée, tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux, tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches, par la fenêtre tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets, mais la remange vos épaves. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impile, l'imprudent, l'impertinent. Ils sont debout et sont muets, mais larmes mangent vos épaves. Elles sont le cœur, elles foncent vers moi. L'impile, l'imprudent, l'impertinent. Bon retour, restez là pour Parler et Los Campesinos. Écoutons la longue chanson, assez fou, 89.1 FM. Écoutons là-dedans la chanson, c'est l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante, animateur / méga vedette de C'est fou. Ouais, pas obligé de rire quand même. Thank you. Baller avec Pan to the Paper. Écoutons là-dedans la chanson. C'est dans le palmarès anglophone de Sifu. C'est un groupe qui vient de Montréal. Ils sont en spectacle très bientôt. On parle du 25 avril. C'est pas si bientôt que ça, mais bon. À 21h au Il Moteur. Ça, c'est donc à Montréal avec Lady Hawk. Alors ça, c'était 4D, un classique des palmarès. C'est la pièce Les Morts Vivants. Siffle, ils ne sont pas vivants. Ça vient de l'album L'Équanimité. Et ce 4D vient de Inukjuak, Montréal, Trois-Rivières. Allez voir myspace.com, Barbie, que je n'existe pas. Mm-hmm. Et au début du bloc, c'était la jupe, évidemment, avec Colambol, le groupe montréalais. Leur prochain spectacle, ça donne à être le 21 mars à 20h aux Haricots, ça c'est à Saint-Hyacinthe. Ensuite, ils vont passer par Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Joliette, Mont-Tremblant, Québec, Lafayette. Mais Lafayette, c'est en Louisiane, wow. Belle place quand même. Mais pas de spectacle à Trois-Rivières pour l'instant. Tenez-vous au courant sur malajube.com. Voilà pour ce bloc de musique absolument génial ici à Écoutons la don la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur du poste d'écoute des Palmarès C'est Fou, mais surtout de CNX qui est dans cette case horaire habituellement. Dans le prochain bloc, il va y avoir du Los Campesinos avec leur très bonne pièce We Are Beautiful, We Are Doomed. Mais avant ça, voici une pièce qui est présentement dans le palmarès francophone de C'est Fou 2 et 2 de Le Couleur. Tout de suite, écoutons la don la chanson. Tu auras tout.

The Gaslight Anthem avec The 59 Sound, la pièce titre de leur plus récent album. C'est un groupe américain qui vient du New Jersey. Ils sont passés récemment en spectacle hier. C'était à Montréal, au La Tulipe. Donc, vous avez peut-être raté ça, malheureusement. Sinon, ils ont des dates en Ontario et aux États-Unis. Allez voir leur MySpace au myspace.com/The Gaslight Anthem. Alors ça, c'était Los Campesinos. C'est la pièce titre de leur album We Are Beautiful, We Are Doomed. Eux viennent du Royaume-Uni. Et on a débuté avec une autre formation, très, très bonne elle aussi, Le Couleur, qui est sur la compilation Québec émergent 2008-2009. Leur pièce s'appelle 2 et 2. C'est déjà presque la fin de la première heure d'Écoutons la dans la chanson. On va continuer comme ça dans de la musique qui me passe par la tête, qui est pas dans les palmarès, qui joue même pas tant que ça ici, assez fou. On va entendre du Madame Moustache, c'est spécial, c'est country. Leur album s'appelle même Au nom du country, avec un i. On va entendre la pièce Trop large, mais on va commencer avec de la musique enfantine, féminine, électro. Je qualifierais. C'est la Patère Rose. Voici Décapote. Écoutons la dans la chanson au 89 FM. C'est fou. Si tu montes, je monte. Matt Fuzz et son Game Boy avec triple dose. Écoutons la dans la chanson. Matt Fuzz, j'adore ça. Il faut passer un petit peu de chiptune des fois, même si je fais pas CNX, émission la plus geek de la radio cette semaine. C'est ce que je passe d'habitude comme style de la musique faite avec des jeux vidéo à CNX. Donc, c'est ce que j'ai fait. Triple dose, Matt Fuzz. Allez voir myspace.com/ Matt Fuzz et son Game Boy. Il va être en spectacle le 27 mars à 21h avec 011 et The Cougarettes. Ça, c'est à Montréal au Zoo Bizarre. 011, Matt Fuzz, Cougarettes. Ça va être génial. J'aimerais bien ça y aller. Alors ça, c'était Madame Moustache, groupe montréalais qui comprend beaucoup de filles, dont c'est quoi, Caroline Néron, son nom? Ils vont être en spectacle le 20 mars, donc ça, c'est demain, je crois, le vendredi 20 mars, oui, à 20h à l'église Sacré-Cœur de Sainte-Thérèse. Ensuite, ils passent par Lévis, Montréal, Joliette, Québec, Lamèque, Nouveau-Brunswick, Trois-Pistoles, Chicoutimi, plein de villes. Allez voir myspace.com/ Madame Moustache Band. Et on a débuté avec La Pater Rose, très très bon. C'est un album qu'on a reçu très récemment ici, assez fou. Allez voir myspace.com/La Pater Rose. On a entendu une pièce qui s'appelle Décapote. Et c'est le groupe montréalais. Lancement de l'album a lieu ce soir au National. Voilà pour La Pater Rose. C'est la fin de la première heure d'Écoutons la dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. On se dépêche pour se faufiler une dernière pièce, comme j'aime le faire, juste à la fin de l'heure. Running de Fred. Écoutons la dans la chanson. A hurricane system. If I was running, you should know that I'd stood my ground 1,000 times. If I seemed bothered, well, I think you would feel similar. If they painted your whole house red with your blood. Takes Bon, retour sur la deuxième heure d'Écoutons la don, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Je m'appelle Mathieu Plante, j'anime le poste d'écoute, l'émission qui vous permet de découvrir les nouveautés musicales reçues à la station pendant la semaine. C'est à peu près ça la phrase. Ça, c'est le vendredi matin. Les palmarès c'est fou vendredi soir et CNX qui est dans cette case horaire habituellement, l'émission la plus geek de la radio. Allez voir le www.unechance.com pour tout savoir sur l'émission d'aujourd'hui, pour savoir ce qui a joué et pour télécharger la balado-diffusion. Dans cette deuxième heure, il va y avoir tout plein de bonnes musiques. On commence par un bloc de palmarès. C'est vrai. On va entendre là-dedans du Mimi Van Der Loo et du Winter Gloves, mais on commence avec une nouvelle pièce de Major. Ça n'a pas joué beaucoup à date, assez fou. Voici Ping Pong. Écoutons la don, la chanson. Changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on se raconte. On se brasse de bord puis de l'autre, toujours à rejeter la faute. Une balle de ping-pong, une balle de ping-pong. On a beau faire le tour du monde, changer de ville, changer les choses, pour se faire dans les mêmes histoires qu'on se raconte. Scratch on the floor, I'm crawling to the purpose on my way back, I will follow. Oh, Mimi Van Der Loo et Quatre Pattes. Ah, écoutons la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité, Mathieu Plante. Mimi Van Der Loo, qui est un groupe de Trois-Rivières, ils vont être au complexe le 10 avril à 19h. Ça, c'est à Trois-Rivières, ici sur Père Daniel. Leur nouvel album s'appelle Rador. Alors ça, c'était Winter Gloves, groupe de Montréal, qui, eux, sont en spectacle pas mal souvent. Ils sont aux États-Unis en ce moment et ils reviennent à Montréal le 11 avril à 20h au Club Soda. Allez voir myspace.com/WinterGloves. Et on a débuté avec Major et leur nouvelle pièce Ping Pong. Ils vont être le 4 avril à 20h au Pub Callahan's, groupe qui s'appelait précédemment Major Bidet. Ils vont être en spectacle avec On a créé un monstre, une autre très bonne formation avec de très très courtes pièces. Je sais pas comment ils vont faire pour remplir un show complet. Major.ca et leur site web. Passez par le site de l'émission au www.unechance.com si quelque chose vous échappe. Et vous pouvez suivre avec moi l'émission en direct le jeudi matin. On continue avec un bloc de musique un petit peu varié, je dirais. Il va y avoir la version française de Cut Off Your Hands. Tout à l'heure, ça c'est la formation. Non, c'est la formation Call of Your Hands. La pièce s'appelle Still Fun, j'oublie tout le temps. Il va aussi y avoir du Flight of the Conchords là-dedans. Mais on commence avec la pièce éponyme de Vanessa Parietter. Ça fait un petit bout que j'entends ça et j'ai envie de l'entendre tout de suite. Bon, là donc, la chanson au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Thank you.

Cause you've got to start Cut off your hands et Still Fun, version française. Écoutons-la dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante. On vient d'entendre deux formations néo-zélandaises. Petit fait intéressant là. Cut off your hands, Nouvelle-Zélande, myspace.com/ et Cut off your hands. Ils sont en tournée aux États-Unis en ce moment, mais ils vont passer par Montréal le 1er avril à 20h au Club Lambie. Avant ça, c'était le duo humoristique néo-zélandais Flight of the Conchords avec leur album homonyme. On a entendu la pièce Robot. C'est très, très bon, mais malheureusement, pas de date au Québec pour eux. En tout cas, pas ce que je vois sur leur MySpace. J'aimerais bien ça, aller les voir en spectacle, eux autres. Ça vaut la peine de payer. Très, très drôle d'aller voir sur YouTube pour les vidéos de Flight of the Conchords ou passer par le www.unechance.com si quelque chose vous échappe dans l'émission d'aujourd'hui. On a débuté avec la formation Valès Pariétaire, groupe montréalais qui va être le 10 avril au Petit Campus avec les Rescapés. Ça, c'est à Montréal. myspace.com/Valès Pariétaire. On continue avec de la bonne musique parce que c'est ce qu'on passe à écoutons la chanson. T'sais, sinon, on dirait pas, il y aurait pas un impératif là-dedans. T'sais, on dirait pas écoutons la, pas, en tout cas, écoutons la chanson. Ça veut dire que c'est bon. C'est un synonyme. Faites vos devoirs, allez voir sur Wikipédia, ça le dit. On va écouter la formation L'Indice. C'est tout de suite voici ton cœur aujourd'hui. Assez fou 89.1 FM avec un gars qui dit n'importe quoi. C'est Mathieu Plante. That's how it is. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. J'aime mon repos. Je le trouve beau. You're asking for the book to be thrown down in the ocean. Toujours aussi bon ça, The Blue Seeds. Hey, écoutons-la dans la chanson sur C'est Fou 89.1 FM. C'est déjà la fin de l'émission de cette semaine, mais parlons de notre méga bloc musical qu'on vient d'entendre. On va commencer avec l'indice et une pièce qui s'appelle Ton corps aujourd'hui, ton cœur aujourd'hui. C'est très très bon. Ils vont être au Green Room samedi le 21 mars à 21h. Ça, c'est à Montréal. Allez voir le jour après Noël.com pour en savoir plus sur leur album. Ensuite, on a entendu une toute nouvelle pièce pour la première fois, je crois, C'est Fou, du Roi Poisson. C'est mon ami robot. Très très bon ça. C'est bien comme ça que je l'appelle. Je veux juste dire le nom correctement. Mon robot. Et ça, ça vient de leur nouvel album RP, Le Roi Poisson. Très, très bon. On va l'entendre pour la première fois dans la prochaine édition du Poste d'écoute. Ça, c'est demain, si vous écoutez en direct. J'adore ça, mon robot. Ça va rejouer. Ça, c'est fou. On a aussi entendu AC Newman, myspace.com/AC Newman. Lui, c'était sa pièce The Palace at 4 a.m. qui est sur le palmarès en ce moment. Et ce qui vient tout juste de jouer, c'était The Blue Seeds avec My Fair Weather Friends. C'est sur la compilation Québec émergent 2008-2009. Comme je disais, c'est la fin de l'émission. Écoutons la chanson pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours jeudi à 11h. On rappelle lundi à 10h avec peu importe l'émission que ça me tente de faire cette semaine-là. On dirait bien de ces temps-ci. Bref, c'est NX, l'émission la plus geek. La radio sera de retour, éventuellement. Je vous retrouve aussi au poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. C'est les vendredis matin à 10h. Et les palmarès C'est fou, le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ça, c'est les vendredis soirs à partir de 17h. Nous, on se quitte tout de suite avec... on termine toujours avec ça, on dirait, hein? Plagiat avec Beautiful Explosion. Mais il faut que ça joue, puis je l'ai pas fait jouer. Puis là, je me dis, ben, pas tort! Ça montera pas dans le palmarès si je la fais pas jouer, hein? Donc, Plagiat et Beautiful Explosion va terminer cette émission. Découtons alors la chanson. À la semaine prochaine. Et à bientôt. Et je vous aime. Et bye-bye. Stay away from the subways. Don't stand close to suspicious cars.